Anges. Ange. Al-Malaïka. Les anges, Al-Malaïka, au singulier Malak, sont des créatures divines que l'on ne peut percevoir. Allah les a créés de lumière. Ils n'ont aucune part dans la divinité d'Allah. Par conséquent, ils ne doivent pas être adorés. Ils ne mangent pas, ne boivent pas et n'ont pas d'enfants. Ils adorent continuellement Allah. Ils le glorifient et ne lui désobéissent jamais. Ils ont des ailes allant par paires, 2, 3, 4 paires et même plus encore. Ils sont aussi capables d'accomplir des actes miraculeux. Les anges sont chargés de différentes tâches. Certains portent le trône d'Allah. D'autres sont chargés de protéger les êtres humains et d'inscrire leurs œuvres, bonnes ou mauvaises. On les appelle ceux qui enregistrent, al-hafadh, ou les nobles scribes, al-kiram al-katibin. Il y a aussi Munkir et Nakir, les deux anges chargés d'interroger chaque mort dans sa tombe au sujet de son seigneur, sa religion et son messager. Il y a Malik, sur lui la paix, l'ange chargé de l'enfer. Ridwan, sur lui la paix, et l'ange chargé du paradis. Gabriel, Jibril, sur lui la paix, et l'ange chargé des révélations divines. Israfil, sur lui la paix, et l'ange chargé de souffler dans le corps au jour du jugement dernier. Michel, Michaël, sur lui la paix, et l'ange chargé de la pluie. Enfin, il y a l'ange de la mort, sur lui la paix, Malek el-Maut. Croire aux anges est un des piliers de la foi. Quiconque renie leur existence est un apostat ou un mécréant.